troisième temps de notre série sur l'histoire des ports. Ce matin, dans notre émission d'archives, nous allons traiter des grands ports de Méditerranée comme zone d'arrivée ou de transit des migrants. Après avoir lundi traité des ports de l'Atlantique au Moyen-Âge et à l'époque moderne, puis hier nous être promenés à l'Orient, ville-port mondial de la Compagnie des Indes, nous allons ce matin, grâce à des textes lus par Nathalie Canouille et avec Séverine Yattard, qui co-animera avec moi cette émission, vous parler de la place des migrants dans les grands ports de Méditerranée du 19e et du 20e siècle. Ces textes seront commentés par deux historiennes qui sont avec nous, Céline Régnard est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université et au laboratoire Telem, et son travail actuel porte sur les ports de transit migratoire que sont Marseille et New York entre 1850 et la Première Guerre mondiale. Et également avec nous, Caroline Douki, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Paris 8 Saint-Denis, qui travaille ces temps-ci sur les politiques migratoires entre 19e et 20e siècle. Mais pour commencer, puisque nous parlons de migration, nous ne pouvions pas ne pas rendre un hommage à Philippe Roth, dont on a appris la mort cette nuit. Philippe Roth qui avait écrit dans Patrimoine une histoire vraie, dans une traduction de Mireille Zaccard et de Maurice Rambaud, un petit texte pour rendre hommage à son grand-père, migrant arrivé à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Nathalie Canouille. Sur les rayonnages qui surplombaient les WC, où s'entassait tout un assortiment de médicaments délivrés sur ordonnance, ainsi que son polydent, sa vaseline et son ascriptin, ses boîtes de mouchoirs en papier, de coton-tige et de coton hydrophile, je repérais le bol à raser qui autrefois avait appartenu à mon grand-père. Mon père y mettait son rasoir et un tube de crème à raser. Le bol était en porcelaine bleu pâle. Un délicat motif floral entourait une large vignette blanche, avec à l'intérieur le nom S. Roth. Et la date, 1912, inscrit en caractère gothique doré, maintenant fané. Le bol était à ma connaissance notre seul héritage familial, et avec une poignée de vieux instantanés, le seul témoignage des années d'immigration à Newark que l'on avait pris la peine de conserver. Il n'avait jamais cessé de m'intriguer depuis la mort de mon grand-père, survenu un mois avant mon 7e anniversaire, et il était venu échouer dans notre salle de bain de Newark, à l'époque où mon père utilisait encore un blaireau pur sanglier et un savon à barbe pour se raser. Le bol à raser portant l'inscription S. Roth avait apparemment libéré mon grand-père, ne fût-ce que momentanément, ne fût-ce que durant ces quelques minutes qu'il passait tranquillement dans le fauteuil du coiffeur pour se faire raser le vendredi après-midi, des dures contraintes qu'il avait prises au piège et qui, me semblait-il, expliquaient son caractère sévère et renfermé. Son bol avait l'aura d'une trouvaille archéologique, d'un objet témoignant d'un niveau de raffinement culturel inattendu, d'une stupéfiante superfluité dans une existence par ailleurs étriquée et bornée. Dans notre banale petite salle de bain de Newark, il avait sur moi l'impact d'un vase grec représentant les origines mythiques de la race. Voilà un extrait du Patrimoine, une histoire vraie de Philippe Roth, donc en ouverture de cette émission consacrée au port comme espace migratoire. Avec vous, Sravine Yattard, bonjour. Bonjour. Avec vous, Céline Régnard, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Caroline Douki, bonjour. Bonjour. Ce texte de Philippe Roth, Caroline Douki, nous dit effectivement combien, quand on part, eh bien, on n'emporte pas forcément beaucoup de choses. Dans le reste du texte de Patrimoine, il explique effectivement au fur et à mesure son père avait progressivement fait disparaître des témoignages de la migration de son grand-père à la fin du 19e siècle. Il n'avait gardé que ce bol à raser comme étant le témoignage de ce départ, donc, et de cette arrivée, surtout aux États-Unis, de son grand-père Sandell Roth. En fait, c'est un texte vraiment intéressant et touchant qui nous renvoie à deux points rapidement. D'abord, il rappelle combien les objets sont des reliques familiales et des témoignages pour les gens de peu. Il parle d'un témoignage d'une très longue trajectoire géographique. Et son grand-père était parti de Galicie, donc voilà, de Pologne, et il avait voulu être rabbin, il avait fini à travailler donc aux États-Unis dans tout autre chose, en faisant venir sa famille. Et les objets très modestes sont aussi les témoignages de la trajectoire sociale sur plusieurs générations. Et le deuxième point, c'est vrai, quand on émigre, on emporte souvent très peu d'objets, d'abord parce que on n'est pas forcément très fortuné, et surtout parce que transporter des objets au-delà d'un certain poids, c'est facturé sur le prix de la traversée. Oui, Céline Regnard. Oui, je crois que c'est un texte extrêmement émouvant et surtout qui parle en fait à tous les Américains, ou presque tous les Américains, puisque tous, à travers ce texte, peuvent reconnaître l'histoire de leur propre famille, qui, pour la plupart, sont arrivés extrêmement démunis. Comme le dit Caroline Douki, effectivement, les migrants n'emportent pas énormément de choses. Du coup, ce qu'ils emportent acquiert une dimension non seulement symbolique, mais aussi financière extrêmement importante. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les bagages, la possession des quelques misérables bagages qu'on voit d'ailleurs sur les photographies prises à Ellis Island, est extrêmement importante pour les migrants. C'est Vignata. Et puis, il dit aussi ce texte qu'il y a un saut de génération, parce que c'est le petit-fils qui parle du bol à raser de son grand-père, et quel est le rôle du père justement dans la transmission ou non de l'objet amené par le grand-père. La transmission d'un objet comme la transmission d'une histoire, d'un héritage. Ou la non-transmission, parce qu'il semblerait qu'il le redécouvre, qu'il a été, je ne sais pas, hein, mais qu'il a peut-être été un petit peu un objet. Le père l'a gardé comme un objet utilitaire, ce bol à raser, mais le petit-fils considère que c'est un vase grec représentant les origines mythiques de la race. C'est ça, qui acquiert une valeur symbolique extrêmement forte. Alors, donc, nous allons continuer à discuter de cette place des migrations et des migrants et des migrantes dans les espaces portuaires, puisque c'est le thème de notre émission de ce jour, parce que il y a des programmes de recherche, il y a des gens qui travaillent, comme vous deux d'ailleurs, sur ces questions des politiques migratoires, mais aussi des ports comme lieu de vie et lieu de transit. Céline Regnard, c'est le travail que vous menez ces temps-ci, donc en comparant New York et Marseille comme lieu d'arrivée, lieu de demeure momentanée ou plus longue, et lieu de nouveau départ, pourrait-on dire, Céline Regnard. Oui, ce travail est parti d'un constat finalement que tout un chacun peut faire, c'est-à-dire que les ports, sont souvent analysés en histoire comme des portes d'entrée d'un territoire, et New York en particulier, mais Marseille aussi. L'histoire de Marseille a beaucoup été écrite comme celle d'un port d'installation, d'immigration, et c'est bien évidemment exact. Et l'idée était justement de compléter en fait cette histoire par la pièce manquante, et la pièce manquante, c'est en fait tous ces gens qui passent dans ces villes et qui ne s'y arrêtent pas. Pour vous donner un ordre d'idée, New York, entre 1860 et 1914, c'est 16 millions d'arrivants et seulement 2 millions qui y restent. Donc c'est quand même une masse très importante de gens. Alors, un autre texte, celui de Marie Antin. Comment prononce-t-on ce nom ? C'est Marie Antin. Donc, un récit écrit à l'âge de 13 ans, en 1894. Elle est partie avec sa famille de Hambourg. Elle est arrivée à New York en 1894 et ça a été publié postérieurement, donc sous le titre de From Plotsk to Boston, et ça nous est lu par Nathalie Canoui. Avant même l'arrêt complet du bateau, notre joie atteignit son paroxysme. L'un d'entre nous avait repéré la silhouette et le visage que nous brûlions de revoir depuis 3 ans. En un instant, 5 passagers du Polynésia, perdant complètement la tête, se mettaient à hurler « Papa !», à gesticuler, à rire et à s'étreindre mutuellement. Les autres, stimulés par notre enthousiasme, s'approchaient pour voir notre père. Il nous avait reconnus en même temps que nous et se tenait à l'écart, sur le quai, sans trop savoir que faire. Ce qui a suivi a été une longue torture. Comme des fous, nous courions en tous sens, incapables de tenir en place aussi longtemps que nous restions à bord. Et lui, sur le quai, avoir traversé l'océan pour être bloqué à quelques mètres de lui, incapable de le rejoindre avant la fin des formalités, était déjà horrible. Mais entendre appeler des passagers qui n'avaient aucune raison d'être pressés, pendant que nous restions parmi les derniers, voilà qui était proprement insupportable. Mon Dieu, pourquoi ne nous laisse-t-on pas quitter cet affreux bateau? Pourquoi papa ne peut-il pas nous rejoindre? Pourquoi tant de cérémonies? Les formalités suivaient toujours leur cours. Chaque passager se voyait poser une centaine de questions idiotes, dont toutes les réponses étaient couchées sur le papier par un homme extraordinairement lent. Chacun devait présenter ses bagages, son billet et faire 100 autres choses avant d'être autorisé à fouler la terre ferme, le tout pour nous retenir à bord le plus longtemps possible. À présent, imaginez-vous, quittant tout ce que vous aimez, dans l'idée que c'est pour toujours, dépeçant votre foyer en vendant tout ce que les années vous avaient rendu cher, entreprenant une traversée sans la moindre expérience du voyage, confronté au désagrément du manque d'argent, à des déboires que vous n'attendiez pas, rencontrant partout un rude traitement qui vous contraint à rechercher l'amitié d'étrangers, forcé de vendre certains de vos biens les plus chers pour régler des dettes que vous n'aviez pas contractées volontairement, suspecté, fouillé, puis à demi affamé et entassé avec une multitude d'inconnus, endurant pendant 16 jours les souffrances du mal de mer, le tumulte et les frayeurs soulevées par une mer en furie. Et ensuite, imaginez-vous immobilisé à quelques mètres de celui qui vous avait supporté tout cela, incapable ne serait-ce que de lui parler. Comment vous sentez-vous? Enfin, c'est notre tour. Nous sommes interrogés, examinés, libérés. Au terme d'une course précipitée, d'un côté sur les planches du pont, de l'autre sur la terre ferme, 6 êtres fous d'allégresse s'agglutinent les uns aux autres, unis par une tendre joie. Et la longue séparation touche à sa fin. Un extrait du texte de Marie Antin, récit écrit à l'âge de 13 ans en 1894, de son arrivée depuis Hambourg jusqu'à New York, donc dans cette fin de 19e siècle, Séverine Attard. Oui, alors là, on nous parle de la traversée. C'est vrai qu'on n'a pas la phase d'attente avant que Marie Antin prenne le bateau, et on a un début de phase d'arrivée à New York. Mais déjà, voilà, on comprend que il a fallu partir, il a fallu vendre des objets pour financer cette traversée, puis que cette traversée, elle est difficile, elle dure longtemps, dans des conditions d'hygiène parfois très aléatoires, voire mauvaises. Caroline Duki, vous avez un peu étudié, alors dans le cas italien notamment, cette problématique de la traversée et des politiques qui vont être aussi mises en place pour à l'amélioration justement de ces traversées transatlantiques à travers une politique publique qui va obliger par exemple les compagnies maritimes à s'engager sur certains points. Mais déjà peut-être avant ces premières réglementations, nous parler, oui, de ces fameuses traversées dont on a plusieurs récits, hein, et même à travers des films aussi, hein, je crois. Oui, c'est un extrait qui présente, en fait, qui permet presque de résumer une très grande partie de la trajectoire migratoire que vous avez déjà un peu évoquée. D'abord, ça nous dit quand même une chose, c'est que cette petite fille de 13 ans qui se souvient très en détail et du départ, de la traversée, de l'arrivée, quand elle évoque cette trajectoire, elle part de l'arrivée. C'est-à-dire le port, l'espace portuaire de transit. Et ça nous montre que le port, l'espace portuaire de transit, le débarquement, ça cristallise tout de suite une mémoire vive de ceux qui vivent précisément ce moment. Le débarquement, c'est pas une parenthèse rapide qu'on oublie, c'est un moment fort, c'est une expérience, enfin la traversée aussi bien sûr, c'est une expérience physique, psychologique, émotionnelle, extrêmement marquante, parce que en fait c'est pas une parenthèse, sont des moments d'attente, d'incertitude, de suspens, de mise en suspens de la vie. Et elle dit tout est écrit, on nous pose des questions et tout est écrit sur les formulaires qu'on nous a fait remplir au départ ou pendant la traversée, ce qui nous prouve d'ailleurs que la traversée comme le transit dans le port, c'est une expérience aussi bureaucratique. Les migrants sont sans cesse expertisés, questionnés, confrontés à la bureaucratie. Cette expérience, elle laisse vraiment des traces dans la mémoire vive. Et c'est à partir de l'expérience de l'arrivée qu'elle revient dans sa mémoire sur toute la traversée, tout ce qu'il a fallu faire pour financer la traversée. Et donc là, on est sur un texte des années 1890 où les conditions de traversée transatlantique se sont déjà fortement améliorées, notamment parce qu'il y a eu une amélioration technologique des navires qui sont de plus en plus grands, de plus en plus sûrs, mais où les conditions restent quand même encore éprouvantes parce que tout l'arsenal des législations des pays de départ, des pays de transit, des pays d'arrivée, qui sont très inquiets des conditions de transport sanitaire des migrants, ne se sont pas encore complètement déployées. Elles se déploieront entre 19e et 20e siècle. Donc là, on est à un moment tournant. Céline Régnard. Oui, tout à fait. Caroline Douky a bien montré l'intérêt de ce texte, qui est tout à fait remarquable dans dans l'émotion qu'il exprime. Ce qui est intéressant ici, c'est l'impression de lenteur qu'elle a à l'arrivée d'Ellis Island, alors qu'en réalité, l'interrogatoire est extrêmement rapide. C'est à peu près 1 minute 30 par personne. 38 questions, je crois, en 2 minutes. 1 minute 30. Oui, ça va extrêmement vite, mais parce qu'il faut quand même faire passer des milliers de personnes par jour. Mais elle a cette impression de lenteur. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la subjectivité de ce texte pour décrire cette situation. Alors effectivement, comme le dit Caroline Douky, les conditions dans les années 1890 se sont quand même très largement améliorées. On est ici en 1894. À Hambourg, l'hôtel des migrants a déjà ouvert. Donc l'attente n'a pas été si pénible qu'elle l'était avant. Et c'est un petit peu particulier, Hambourg. Hein, Hambourg est un peu particulier. C'est une sorte de modèle. C'est une ville qui fait figure en Europe de modèle avec son Haus Wandererhallen, qui est un accueil qui héberge les émigrants candidats au départ. Parce qu'en fait, la ville a été frappée par une épidémie au début des années 1890 qui a suscité l'ouverture de cet établissement. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet établissement? C'est parce qu'il a de meilleures conditions sanitaires que d'autres établissements. Oui, voilà, c'est-à-dire que ça coupe l'herbe sous le pied de toutes les auberges qui pourraient profiter de la situation de ces migrants qui, effectivement, en attente de leur bateau, n'ont pas d'autre choix que d'être la proie d'hôteliers malveillants. Et puis, ça évite que ces migrants s'éparpillent dans la ville. Exactement. Ce qui peut provoquer des ordres. Exactement. Et ce sont des établissements qui répondent à des normes sanitaire et donc la réglementation concernant l'émigration commence là. Et je voulais aussi juste souligner, ce qui est très intéressant, c'est que cette adolescente, cette jeune fille, est consciente du fait qu'il a fallu vendre les biens de la famille pour partir. Et on voit ici quelque chose de très intéressant, qui est commun à beaucoup de situations migratoires, c'est qu'en fait, ce sont ceux qui ont des biens à vendre ou à hypothéquer qui peuvent partir la plupart du temps. Et donc, il y a un sacrifice familial derrière la migration. Vous évoquiez tout à l'heure, à l'instant même, Céline Régnard, la difficulté justement de passer par des ports où les conditions sanitaires ne sont pas toujours excellentes. Un extrait du Petit Marseillais du 28 août 1908 que vous avez retrouvé dans les archives sur lesquelles vous travaillez ces temps-ci, dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône, lu par Nathalie Canouy. Pauvres émigrants, bêtes à profit, exploités dès qu'ils quittent sa terre natale. Prenons-en un à son départ de Beyrouth, par exemple. Il a vendu ses champs pour aller en Amérique, où on lui a dit qu'on faisait aisément fortune. L'émigration étant interdite en Turquie et le fait de quitter le sol natal ayant été considéré comme une désertion jusqu'au jour très récent, où le sultan a donné une constitution à son peuple, désormais plus libre, il ne peut partir qu'avec la complicité d'un batelier qui le transporte de nuit, avec sa famille et ses bagages, sur le paquebot. Mais si le billet de passage coûte 300 francs, le batelier s'empressera de réclamer 500 francs au malheureux qui va chercher au loin de la poudre d'or. À bord du navire, il est à l'abri de toute contrainte. Mais si à son arrivée à Marseille, il est assailli par une foule de pisteurs qui se le disputent, se l'arrachent pour le conduire dans leur hôtel, que se passe-t-il dès lors? On l'ignore. Mais on sait fort bien qu'au moment où l'émigrant veut repartir pour l'Amérique, on lui rend un pécule fort amoindri quand il n'est pas tout dissipé. Il existe certes des hôtels où sa sécurité est assurée de façon parfaite, où il est bien traité, où il n'est pas grugé. Nous en connaissons plusieurs où le passager trouve même du bien-être, de la propreté. Mais puisque tous ne sont pas ainsi, on aurait quelques raisons de profiter de la circonstance pour engager l'État et imiter le gouvernement italien, c'est-à-dire à gérer lui-même les hôtels des migrants, ou tout au moins à exercer sur eux un rigoureux contrôle et à exiger d'eux de sérieuses garanties de sécurité, de probité et même d'hygiène. Pour la bonne renommée de Marseille et pour la prospérité de notre marine marchande, qui bénéficierait d'une organisation meilleure de l'immigration, il y a quelque chose à faire en ce sens. Et l'on ne peut pas continuer à laisser dire que, alors que l'Italie fait tous ses efforts pour protéger les immigrants, la France, insouciante, les laisse exploiter, égrugés par toutes sortes de trafiquants, et les expose même à se faire couper en petits morceaux. « Pourquoi donc ce texte du petit Marseillais Céline Reynière du 28 août 1908 parle-t-il de se faire couper en petits morceaux ? Eh bien parce qu'en fait, c'est un texte qui est publié à l'occasion d'un fait divers qui s'est déroulé à Marseille au mois d'août 1908. Une migrante syrienne, Madame Omaïr, a été retrouvée décapitée dans une malle dans un appartement sur le quai du port. Et assez rapidement, l'enquête s'est orientée vers un pisteur. Qu'est-ce qu'on appelle un pisteur ? Alors un pisteur, c'est un rabatteur en fait, hein, qui travaille pour les auberges ou les agents d'immigration, parfois les deux, et qui se charge d'aller chercher des migrants débarquant des bateaux pour, moyennant évidemment une somme d'argent plus ou moins importante, transporter leurs bagages, leur fournir divers services, les amener chez des aubergistes, leur vendre des billets ou changer de l'argent. Et cette Syrienne lui a demandé de changer 950 francs, enfin l'équivalent de 950 francs, et il a joué cet argent. Il ne pouvant lui rembourser, s'est senti acculé et a fini par l'assassiner. Donc en fait, ce texte est intéressant parce que ça fait partie de ces articles de journaux, ce qui est une pratique assez courante à l'époque d'ailleurs, qui à partir d'un fait divers en profite pour aborder un sujet d'actualité et essayer de faire bouger les lignes de la législation. Et ici, en fait, le texte dérive progressivement vers une critique du gouvernement français et vers une apologie de la politique italienne en la matière. Ce qui vous fait plaisir, hein, Caroline Doucchi ? Ce qui m'amuse surtout, parce que c'est très intéressant, on voit déjà jouer le thème, le cliché du laboratoire italien. On voit aussi le laboratoire jeu. Italien, parce que il faut dire à nos auditeurs que les législations italiennes ont progressivement enserré ceux qui pourraient profiter justement de cette migration pour faire des affaires dans un réseau de contraintes et qu'il a fallu progressivement donc rajouter loi après loi des possibilités pour les migrants d'être protégés par la compagnie même qui les transporte jusqu'aux États-Unis par exemple. Oui, voilà. Et concernant la question du port, là, on voit aussi que l'espace du port d'embarquement est un problème pour l'État d'où partent les immigrants ou par lequel transitent les immigrants. Si je puis un peu élargir, en fait, on voit là, à partir des différents textes qu'on a entendus, l'éventail assez différencié des solutions trouvées pour héberger les migrants dans les ports, soit qu'ils partent, soit qu'ils transitent, soit qu'ils arrivent. La solution qui est celle d'une institution à partir des 1890 d'hôtels des migrants administrés soit par les autorités étatiques, soit par les grandes compagnies de navigation, avec le modèle de Hambourg évoqué tout à l'heure par Céline Reynière, avec le modèle d'Ellis Island, également on en parlera peut-être plus tard des hôtels pour réceptionner les immigrants un peu identiques qu'on trouve en Amérique latine, à Sao Paulo ou bien à Buenos Aires, voilà. Ça, c'est des solutions qui sont très coûteuses. Qui sont très coûteuses en organisation, très coûteuses en législation, en normativité. Et donc, on peut laisser faire le marché pour pouvoir s'arranger de ces affaires. Alors, il faut en fait que les États encadrent beaucoup les compagnies maritimes. L'Italie, donc, qui essaie d'encadrer et de protéger au mieux ses immigrants, considère aussi que c'est la meilleure solution. Sauf que ni les pouvoirs publics, ni les compagnies de navigation n'ont les moyens dans les ports italiens de faire ces énormes constructions et cette administration. Donc depuis 1901, au moment où l'Italie a fait une grande loi pour essayer d'organiser de manière rationalisée la protection de ses immigrants, elle a dit très rapidement, nous allons construire des hôtels pour les immigrants au départ, à Gênes, à Naples, à Palerme, éventuellement à Messine. Sauf qu'il n'y a pas les moyens. Et donc l'Italie, au moment même où est écrit cet article, n'a pas du tout organisé ses hôtels des immigrants, parce que l'État n'a pas les moyens, il n'arrive pas à obliger les compagnies de navigation, à l'instar de ce qu'a fait l'Allemagne, à construire ces hôtels des immigrants. Donc il a mis en place deux palliatifs. Premier palliatif, par sa législation, il oblige les compagnies de navigation à prendre en charge les frais de logement des immigrants auprès des auberges et des hôtelleries privées des ports de Gênes, Naples et Palerme. Mais en fait, ça veut dire que les immigrants ne payent pas leur alimentation et leur logement. Mais ça n'améliore pas les qualités d'accueil. Au contraire, ça aggrave les conditions d'accueil. Et le deuxième palliatif, qui est un palliatif technologique, et une sorte de rationalisation des choses, c'est par la législation d'obliger à une grande ponctualité et les autorités portuaires et les compagnies de navigation qui embarquent pour réduire le plus possible le temps d'attente et accélérer la circulation des migrants, des foules, pour éviter tous les problèmes créés par la gestion des foules dans les ports. C'est brillant. Alors on comprend que l'État italien veuille mettre en place une politique publique vis-à-vis de cette immigration, puisque c'est un des plus grands, voire le plus grand pays émetteur justement d'immigration. Puis il y a des enjeux commerciaux finalement à cette population qui part à l'étranger. Alors, mais en revanche, peut-être Céline Reynière, alors à Marseille, qui est plutôt un port de transit, pourquoi l'État français ou la police municipale, enfin vous allez nous expliquer un petit peu le système français, a tout intérêt à contrôler ces migrants et à les protéger également au nom de quoi finalement? Alors en fait, contrairement à ce que dit le texte, effectivement, le texte présente une version tronquée de la réalité, la législation française est bien antérieure. En réalité, puisque la première législation française sur l'immigration, c'est la loi de 1855, donc tout début du Second Empire, qui est une loi qui a introduit à la fois le principe du contrôle du transit par la France, des émigrants, puisque la France est essentiellement un pays de transit, hein, par ses façades maritimes nombreuses, et qui introduit aussi le principe de la protection de l'émigrant, enfin de la définition d'un statut juridique pour l'émigrant. Elle est complétée par une autre loi, qui est la loi de 1860, qui est la loi, elle, qui crée les agences d'émigration, avec le contrôle par l'État de ces agences et tout ce que cela suppose d'obligations aussi pour ces agences. Et en fait, dès les années 1860, la réglementation est extrêmement précise, même si elle n'est pas forcément appliquée, évidemment. Hein. Et pourquoi elle n'est pas appliquée, justement, Elle n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel pour la contrôler. La loi de 1860, en fait, oblige les agences d'émigration à dédommager les émigrants qui attendraient trop longtemps leur bateau. Plus le temps supplémentaire à ce qui était prévu au départ. Ils doivent être dédommagés à hauteur de 2,50 francs par jour, ce qui doit leur permettre normalement de se loger et de se nourrir dans les ports d'attente. Pour assurer le contrôle de cette loi, sont créés des commissaires de l'immigration, des ports et des chemins de fer. Et c'est là que le bas blesse, puisque à Marseille, ce commissariat n'est créé que très tard, en 1868. Il est suspendu, disons qu'il devient réellement pérenne à partir de 1878, et il est totalement débordé, évidemment, par la quantité de migrants qui débarquent dans ce port, et qui, d'abord, ne savent pas tous qu'ils peuvent porter plainte auprès de ce commissariat, et puis ensuite, le commissariat n'a pas les moyens, il n'a que deux inspecteurs pour faire le travail. J'aimerais comprendre, on s'intéresse à ces migrants, et ça n'est pas les migrants qui partent de France, ce sont les migrants qui arrivent à Marseille, qui vont repartir dans d'autres endroits, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent de l'Empire Ottoman, ils arrivent du Levant, d'Italie, et ensuite ils repartent ailleurs. Oui, alors la France est essentiellement un pays de transit. Au XIXe siècle, il y a assez peu d'émigration française, il y en a, mais c'est assez restreint. En revanche, Faire pas pour ses propres citoyens, mais on légifère pour des citoyens qui viendraient d'ailleurs. Tout à fait, on légifère dans un principe libéral, hein, d'une philosophie libérale pour leur sécurité et pour les bienfaits du commerce. Et alors au début de la législation, au début pendant le Second Empire, c'est essentiellement des immigrants d'Allemagne, hein, Europe de l'Est, Allemagne, Suisse notamment. Et puis progressivement, lorsqu'on avance dans le XIXe siècle, ce sont des Italiens, ce sont des Grecs, ce sont des Arméniens, ce sont des Syriens et d'autres nationalités qui transitent par la France. Caroline Duki. Ce qu'on est en train d'aborder aussi nous renvoie à une situation du présent, c'est-à-dire que des législations, la normativité pour protéger les migrants, il en existe beaucoup aujourd'hui et on sait à quel point la condition des migrants aujourd'hui est délétère et absolument terrible. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le 19e siècle, il y a eu une stratification de réglementation, de législation, législations qui se présentent à la fois comme des législations de contrôle, mais aussi de protection des migrants comme population vulnérable. Or, ce qu'on voit aussi, c'est que les États, et notamment les États de transit, mais aussi les États de départ comme l'Italie, ont toujours un problème de financement. Je ne parle même pas de problème de volonté d'appliquer ces législations, mais un problème de financement de ces législations. Qu'est-ce que on veut octroyer comme financement pour protéger des populations vulnérables, dans le cas de la France, pour protéger des populations qui sont des populations étrangères et en transit. Et on voit que le financement des infrastructures matérielles ou le financement des emplois publics pour contrôler l'application de ces législations n'est jamais au rendez-vous durant tout le 19e siècle comme durant le 20e siècle. Alors un extrait d'un roman cette fois-ci, non pas un témoignage, signé Beth Treven, donc Le vaisseau fantôme, un roman de 1926 traduit de l'allemand par Michel Valencia, À la découverte, une lecture par Nathalie Canouy. Rotterdam est une jolie ville, quand on a de l'argent. Ce n'était pas mon cas. Je n'avais même pas de bourse où j'aurais pu en glisser si j'en avais eu. Dans le port, pas un seul bateau n'avait besoin d'un matelot ou d'un mécanicien. À ce moment-là, j'aurais pris n'importe quel boulot. Si on m'avait proposé un emploi de mécanicien, je l'aurais accepté tout de suite, sans sourciller. Ça n'aurait bardé qu'une fois en haute mer. On ne peut tout de même pas balancer quelqu'un à la flotte, rien que pour ça. En outre, il y a toujours quelque chose à repeindre. J'aurais donc trouvé des tâches à ma mesure. J'aurais aimé tenter le coup. Mais on ne cherchait pas de mécanicien. On ne cherchait personne. D'ailleurs, sur aucun bateau. J'aurais pourtant tout accepté. De capitaine à marmiton. Mais on n'avait même pas besoin d'un capitaine. Et puis, des tas de marins attendent un bateau. Alors en dénicher justement un qui parte aux États-Unis, c'était sans espoir. Tous ces types veulent aussi y aller. Et pour de bon. Ils croient tous que là-bas, il suffit d'ouvrir le bec pour que ça tombe tout rôti. Tu parles. Alors ensuite, ils sont des milliers dans les ports à attendre un bateau qui les ramène chez eux parce que rien n'était comme ils l'avaient imaginé. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Voilà, les rêves de migrants sur le port de Rotterdam, lu par Nathalie Canouy, et c'était un texte de Beth Raven, donc Le vaisseau fantôme 1926, un roman. C'est Brignata. L'âge d'or est fini. Il faut regarder la date, Caroline Dukey, parce que c'est 1926. Alors ça signifie quoi, l'âge d'or est fini dans cette période d'entre-deux-guerres, où on comprend bien qu'on n'a pas, il n'a pas d'argent, il n'y a pas de travail dans ce grand port de Rotterdam, qui est une plaque tournante gigantesque. Oui, c'est une plaque tournante de l'immigration entre l'Europe et l'Amérique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut dire un mot de Bernard Treven. C'est le pseudonyme d'un romancier anarcho-pacifiste d'origine allemande dont on ne connaît pas véritablement l'identité. On sait qu'il a dû fuir la République des Conseils à l'issue de la Première Guerre mondiale en Allemagne et il a dû s'exiler pour fuir la répression. Donc il a connu l'épreuve de l'exil et de l'exil clandestin. Et il écrit ce roman qui doit être en partie autobiographique, qui est l'histoire, au départ, non pas d'un migrant, mais le narrateur, c'est un marin. C'est un matelot américain qui a perdu ses papiers. Il est en Europe et il a raté l'embarquement sur son navire qui rentrait aux États-Unis. Et donc, il erre à travers toute l'Europe pendant les années 20 pour trouver un moyen de rentrer aux États-Unis. Et donc, il est rabattu, ce matelot, sur la condition des migrants dans les années 20, qui n'arrivent plus à traverser bien souvent à cause de la multiplicité des lois qui bloquent l'émigration vers les États-Unis et notamment les lois des années 20, les lois des quotas, etc. Et l'intérêt de ce document, c'est qu'il nous rappelle en fait que dans les ports, il y a une coexistence entre différents types de populations mobiles qui fréquentent les ports, qui sont en transit ou en stationnement. Ce sont les migrants, les marins, les matelots, éventuellement les soldats. Et on voit souvent l'entrecroisement, la confusion entre ces diverses catégories. Ça nous rappelle que les migrants, parfois, pour financer leur voyage, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un billet de traversée des migrants, ils s'engagent comme matelots, alors souvent sans compétences. Donc, mais il y a beaucoup de... Le texte le dit, il y a beaucoup de travaux à faire sur un bateau sans compétences. On peut travailler aux cuisines, être en matoufère. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20, s'engager comme matelot sur un bateau, c'est un moyen pour les migrants qui n'ont pas de papiers, qui sont exilés politiques, par exemple, qui n'ont pas de passeport ou qui n'ont pas de visa parce qu'ils n'entraient pas dans les quotas des États-Unis. S'engager comme matelot, c'est une manière de traverser. Et puis ensuite, à l'escale, soit ailleurs en Europe, soit à l'escale en Amérique, eh bien, le matelot déserte et disparaît dans le port et ne rentre jamais, se retransforme en immigrant. Céline Reynard, ce migrant justement qui doit travailler pour payer éventuellement sa traversée, vous avez étudié, vous avez cartographié le Marseille, notamment des garnis pour localiser dans tel ou tel quartier, et notamment on imagine que pour ces raisons et pour d'autres, ces migrants logent près du port, parfois aussi parce qu'ils s'engagent dans cette industrie portuaire un temps, on peut l'imaginer, pour le temps qu'il faut pour payer par exemple la traversée, ou parfois ils restent, bien sûr. Mais en tous les cas, ça explique aussi pourquoi ce sont évidemment ces quartiers-là qui sont les plus habités par justement cette population en pleine mobilité. Le quartier des Marins Perdus de Jean-Claude Izot, par exemple. Jean-Claude Izot, oui. Alors effectivement, là, lorsqu'on regarde les adresses des logements des migrants à Marseille, ce qui est évidemment pas une surprise. C'est logique aussi. On trouve aussi, énormément d'hôtelleries près du port, notamment près du nouveau port, dans les rues nouvellement construites derrière la Joliette, qui est d'ailleurs la Joliette, le siège du commissariat de l'émigration, aux 15 places de la Joliette. Donc on est ici dans un espace qui en réalité est très très restreint. Aujourd'hui ce sont les paquebots qui arrivent du côté de la Joliette avec les touristes. Ils y arrivaient déjà. Voilà, il y avait les hangars, des messageries maritimes et d'autres grandes compagnies. Et puis on trouve aussi beaucoup d'adresses le long des grandes artères de Marseille, notamment le long du croisement du port et de la rue de la République où sont installées en fait les principales agences d'émigration. Parce que les émigrants, lorsqu'ils arrivent à Marseille, sont dans deux situations différentes. Soit ils n'ont pas encore de billets pour leur nouveau voyage, et dans ce cas-là, effectivement, comme vous le dites, ils peuvent rester un temps à Marseille et travaillent alors moins dans les industries marseillaises que dans l'industrie migratoire, si je peux m'exprimer ainsi, donc eux-mêmes comme pisteurs, parfois, ou pour leurs compatriotes dans des commerces, dans des restaurants, etc. Soit, deuxième situation, ils ont déjà un billet et donc n'ont pas nécessité de se le procurer à Marseille et n'ont qu'à attendre leur bateau. Ce sont en réalité deux situations un petit peu différentes. Ce que je voulais ajouter par rapport au texte qu'on vient d'entendre, ce qui me semble intéressant, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que les parcours migratoires ne sont pas des parcours si linéaires que ça. Il y a beaucoup de retours, évidemment, ça a été montré dans l'historiographie récente. Il y a aussi beaucoup de prises d'opportunités, beaucoup de trajectoires erratiques et les étapes ne sont pas forcément prévues, en tout cas dans leur longueur. Et parfois, il y a de l'improvisation. Et les lois, et notamment la loi de 1921, a donné lieu à un chamboulement incroyable pour beaucoup d'immigrants, notamment d'immigrants italiens, qui pensaient pouvoir gagner les États-Unis et qui ont dû s'arrêter en chemin, voire rebrousser chemin, à cause des quotas instaurés par cette loi. Alors, on connaît la façon dont les immigrants arrivant à Ellis Island sont observés par des médecins pour qu'ils n'apportent pas avec eux des maladies. Voici une lettre du directeur de la deuxième circonscription sanitaire maritime due au sous-préfet du Havre le 15 avril 1911, tirée des archives départementales de Seine-Maritime, cela est lu par Nathalie Canoué. Monsieur le sous-préfet, suivant vos instructions, je me rends chaque matin à l'arrivée du bateau de Southampton et aujourd'hui j'ai constaté un fait que je vous résume ci-dessous d'après l'enquête que j'ai faite aussitôt. Les nommés Mose Constantine, Salomondo John et Farah John ont quitté Jaffa le 11 mars dernier, venant de Jérusalem à destination de Marseille, où ils sont arrivés le 22 mars. Ils étaient embarqués sur le paquebot, le Portugal, des messageries maritimes, comme passagers de pont, c'est-à-dire comme voyageurs ordinaires. Du 22 mars au 13 avril, ils ont séjourné en France, habitant à Marseille, chez Abrahim Sansour El Condé, hôtel de Palestine, 4 rue d'Aix, puis à Paris, chez Théophile Salès, hôtel du Conservatoire, 51 rue de l'Échiquier. Je n'ai pu établir ce qu'ils ont fait pendant ce séjour. Peut-être ont-ils essayé d'acquérir un billet d'émigration et ont-ils refusé un départ quelconque pour New York. La chose était difficile à élucider, ces gens ne parlant que l'arabe et mon vocabulaire étant assez restreint dans cette langue. Toutefois, J'ai remarqué que l'un d'entre eux possédait un de ces petits portefeuilles en carton portant le nom de Cook que les agences de voyage ou d'émigration remettent à leurs acheteurs de billets. Le 13 avril, ces trois individus se sont embarqués au Havre, à destination de Southampton, dans l'intention de s'embarquer en Angleterre pour les États-Unis. Mais le 14 avril, à leur arrivée à Southampton, le service de l'immigration anglais et non pas le service américain leur a interdit de débarquer en Angleterre car ils sont tous trois atteints de trachome aigu. Ces trois émigrants sont donc restés à bord du navire qui les a rapatriés le 14 au soir et ils sont arrivés au Havre le 15 au matin. Comme ces trois individus avaient seulement pris des billets ordinaires de troisième au Havre à Southampton, la compagnie du South Eastern les a rapatriés jusqu'au Havre, mais là, cesse l'obligation qui lui était imposée par l'Angleterre. En résumé, il me paraît que ces trois individus partis de Syrie à destination de la France ont cherché à acquérir des billets d'émigration à une agence quelconque. Leur état de maladie se constatant facilement, aucun agent n'a voulu leur délivrer un contrat d'émigration. Dans ces conditions, ils ont cherché à passer individuellement et ils se sont retrouvés arrêtés dans leur dessein par le service anglais de l'immigration. Voilà donc un texte, une lettre du directeur de la seconde circonscription sanitaire maritime au sous-préfet du Havre le 15 avril 1911. La maladie, effectivement, c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas partir, Céline Ragnard. Oui, tout à fait. La législation se renforce à la fin du 19e siècle. Les États-Unis, d'ailleurs, sont tout à fait précurseurs en cette matière, puisqu'en fait, c'est l'Immigration Act de 1891 qui instaure toutes ces fameuses questions qui sont posées à l'entrée d'Ellis Island, dont un examen médical très strict. Les Américains envoient des médecins dans les ports français, ce qui donne lieu, et dans les ports anglais, ce qui donne lieu d'ailleurs à des échanges de courriers assez secs entre le consulat américain et le préfet de la Seine-Maritime, Seine inférieure à cette époque, parce que les autorités sanitaires françaises refusent ce qu'ils voient comme une intrusion dans leur autorité de ce médecin américain qui vient constater, en plus de la visite sanitaire qui est imposée par les Français, l'état sanitaire de la population migrante. Les Anglais font de même. Les Anglais, à la fin du 19e siècle, définissent ce qu'ils appellent des ports d'immigration, qui sont les seuls ports où sont obligés à débarquer, où sont autorisés à débarquer, les immigrants. Ça Southampton en fait évidemment partie, c'est un des ports les plus importants d'émigration d'Angleterre, dans lesquels ils procèdent eux aussi à une visite médicale. Et ça, si on ajoute à ça que progressivement l'Empire ottoman met lui aussi en place, forcé qu'il est par les autorités des pays européens, visites sanitaires au départ, notamment des ports Jaffa, Beyrouth, etc. On a comme ça des visites médicales qui s'enchaînent sur une période de plusieurs semaines. Et le trachome est une des maladies les plus redoutées des Américains. C'est une maladie oculaire extrêmement contagieuse qui est d'ailleurs une des principales causes pour lesquelles les émigrants se font refouler à Ellis Island. Alors, si on veut en savoir plus sur Le Havre comme port d'émigration, il y a le blog qui s'appelle « Égoutter l'histoire ». L'histoire, c'est comme les pâtes, il faut bien égoutter, qui est fait par un professeur d'histoire qu'on connaît bien ici à la Fabrique de l'Histoire, qui s'appelle Anthony Lozac, et qui raconte justement Le Havre comme port d'émigration vers l'Amérique en 1954. On peut se demander quand même si justement les compagnies maritimes n'ont pas non plus un rôle... n'ont pas joué un rôle, Caroline Dookie, dans le fait justement que les migrants, avant leur départ, soient habilités ou non à partir, puisque on sait que lorsque l'émigrant est refusé à son arrivée, c'est la compagnie maritime qui doit payer son retour. Caroline Dookie. Oui, là, on voit la connectivité à l'œuvre et la connectivité entre les ports. Surtout la connectivité des législations. La législation donc de filtrage à l'entrée des États-Unis a une arme tout à fait importante qui est d'obliger les compagnies maritimes qui ont débarqué des émigrants qui sont refoulés pour quelle que soit la raison, économique, sociale, sanitaire, donc à les rapporter, à les remporter vers le port où ils les ont embarqués. Il y a aussi des pays qui veulent protéger les migrants des spéculations des compagnies maritimes, comme l'Italie, qui en plus, eux, ajoutent pour les compagnies maritimes donc, qui ramènent des migrants et qui leur ont fait perdre leur temps et leur argent, donc des contraventions à payer. Donc ça veut dire qu'en fait, les compagnies maritimes, organismes privés, entreprises privées, sont pénalisées si elles n'appliquent pas au préalable, avant même un le choix. Départ, la sélection selon les catégories de sélection américaine. Et donc, en fait, si on regarde les statistiques de refoulement à l'entrée des États-Unis, elles ne sont pas très élevées. Elles sont très faibles. Hein, c'est 8% à New York, 12% à New York dans les années 1910, parce que, en fait, le refoulement est appliqué à l'origine. Vous voulez dire que des politiques qu'on met en place ces temps-ci en Méditerranée, en demandant par exemple à la Libye ou à d'autres pays méditerranéens de faire le tri avant même la traversée, c'est souvent les politiques. Non, absolument rien de novateur. Céline Régnard sur ces politiques là. Oui, effectivement, elles n'ont rien de neuf et ce sont les enjeux commerciaux, hein, financiers qui en fait animent tout cela, à partir effectivement, comme l'a dit Caroline Dooky, de cet acte initial des États-Unis de vouloir faire un tri extrêmement important et rationnel de la population entrante. Le résultat, c'est qu'effectivement, les compagnies, les États participent de cette sélection des migrants avec aussi des procédures de désinfection, des bagages, des vêtements extrêmement poussés, notamment lors de la traversée. La traversée, par exemple, de la Méditerranée par les messageries maritimes, c'est un moment où tous les bagages sont passés à l'étuve, tous les vêtements sont passés à l'étuve. Donc il faut aussi se rendre compte de ce que ça suscite comme angoisse, cette maladie chez les migrants. Parce que durant la traversée, il ne faut pas non plus qu'il y ait une épidémie. Parce qu'on peut contrôler les immigrants avant leur montée dans le bateau, mais après, sur le bateau, il peut y avoir aussi des épidémies. Donc il faut assurer des conditions d'hygiène et des médecins sont sur place, hein, je crois, Caroline Dooky. Enfin, en tous les cas, sur certains bateaux, un service médical est présent et doit pouvoir éventuellement agir s'il y a épidémie. Oui, oui. C'est théorique tout ça. Oui, oui, il y a des médecins partout parce que la grande question sanitaire. D'abord, il y a une grande hantise sanitaire à la fin du 19e siècle. Au début du XXe siècle, en général partout dans les villes et concernant les migrants ou toutes les populations pauvres. Donc il y a des médecins à l'embarquement, il y a des médecins, c'est obligatoire par toutes les, du fait de toutes les législations sur les bateaux, et il y a des médecins, bien sûr, à l'arrivée qui trient, qui filtrent, éventuellement qui soignent hein, aussi. Ce qu'a dit Céline Régnard tout à l'heure est intéressant. En fait, les États-Unis ont diligenté des médecins. Ces médecins, c'était pas n'importe qui, c'était les médecins des Marines. Donc, ce sont des médecins militaires. Donc, ils représentent aussi... L'autorité. Ils représentent aussi, en fait, la souveraineté des États-Unis. Et donc, les pays où les États-Unis envoyaient leurs médecins ont réagi de manière très différente. La France, Céline Régnard l'a dit, a résisté le plus possible. Mais on sait que c'est le cas de la Belgique. L'Italie a coopéré. Non pas parce que l'Italie est faible, mais parce que l'Italie a essayait de montrer qu'elle coopérait sur les migrants qui étaient les plus malades pour faire en sorte que les États-Unis acceptent l'autre masse des migrants, qui étaient des travailleurs migrants, et l'enjeu économique était essentiel pour l'Italie. C'est pour ça qu'elle a coopéré. Céline Régnard. Oui, non seulement il y a des médecins au départ, il y a des médecins à bord, législation qui est imposée à la fin du 19e siècle, et puis il y a le système des patentes de santé, des lazarets qui demeurent, et notamment en Méditerranée, à Marseille, hein, il y a toute une législation. Le lazaret était installé sur les îles du Frioul, en face du port de Marseille. En face du port de Marseille, tout à fait, et en fonction des différents cas, est-ce que des cas de maladie se sont déclarés pendant la traversée ou non, de la durée constatée entre la maladie qui s'est déclarée et la date d'arrivée dans le port, eh bien, les migrants sont retenus ou pas au Frioul avant leur admission à la libre pratique, comme il est dit dans les archives, dans le port de Marseille. À la libre pratique. À la libre pratique. Ça leur laisse la possibilité de s'installer ou de rester à Marseille s'ils le souhaitent ou de repartir s'ils en ont le désir. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter ces travaux récents. On peut retrouver votre travail sur les politiques migratoires, Caroline Dooky, dans différents articles en particulier qu'on trouve sur les très bonnes plateformes que sont Cairn, Revue.org, qui s'appelle maintenant Open Edition, ou encore peut-être sur Percé. Il y a des articles plus anciens sur ces questions-là. Céline Régnard, où peut-on trouver votre travail ces temps-ci ? dans des articles aussi qui sont pour partie à paraître, hein, puisque c'est un travail en cours, et dans un livre qui est sorti récemment, sous ma direction et auquel j'ai contribué, aux éditions de la Sorbonne, qui s'appelle « Policer les mobilités oui. » du XVIIIe siècle à nos jours, en Europe et aux États-Unis. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux et bon travail, puisque visiblement votre travail est en cours. On est en train de terminer cette émission, mais quelqu'un rentre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne. Bonjour Emmanuel. Je ne vous interromps pas, voilà, je me permets de voler quelques secondes de la fin de votre émission. Très volontiers. Pour annoncer à tous les auditeurs de France Culture que 3 émissions seront consacrées à l'écrivain Philippe Roth, aujourd'hui sur notre antenne. La deuxième partie de la Grande Table, nous rediffuserons un entretien qu'il avait accordé à Olivia Gesbert en novembre dernier. Bien évidemment, la compagnie des auteurs s'associera à cet hommage à 15h. Enfin, la dispute à 19h sera entièrement consacrée à l'œuvre de Philippe Roth. Merci. Donc on pourra ainsi mieux connaître son œuvre, soit par des extraits de sa voix et des entretiens qu'il a pu donner, mais également des critiques, puisque la dispute, vous l'avez dit, ce soir à 19h, sera entièrement consacré à son œuvre, vu par les critiques et tous ceux qui sont autour d'Arnaud Laporte toute la journée, visiblement. Nous aurons beaucoup d'occasions de nous souvenir de Philippe Roth, dont on a parlé en ouverture de cette émission. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Bruno Gagnère-Fontani était avec nous et la réalisation était assurée par Séverine Cassard. Merci à Nathalie Canoui. Merci à vous Céline Ragnard. Merci Caroline Douki. Et on se retrouve demain pour un dernier volet de notre série consacrée aux ports. Les ports négriers face à leur histoire. Voilà, et là. Comment la mémoire de ces ports négriers est-elle travaillée aujourd'hui dans les lieux où cela s'est passé, que ce soit d'ailleurs à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle ou partout ailleurs. Voilà, partout ailleurs. Et vous avez parlé de Lorient hier. Merci encore.